Chapitre 27e. 10, 12 jours s'écoulèrent. M. Delorme, enfermé dans sa geôle de Stralsund, vida jusqu'à la lie la coupe d'amertume. D'abord, persuadé qu'on allait le relâcher sur l'heure en lui faisant des excuses, il apprit à connaître l'insolence des subalternes et les lenteurs de la loi que déplore Hamlet. Il commençait à désespérer, et l'air malsain de la prison a miné sa constitution de fer, lorsqu'un après-midi, qu'il était assis sur son méchant lit, la tête appuyée au mur et les yeux clos, le gardien ouvrit brusquement la porte. « Die Fräulein Braut ist da !» dit cet homme. « Voici, mademoiselle, votre fiancée. »« Braut ?» Ce mot de fiancée fit tressaillir Axel. Il pensa à Hildegarde, sa pauvre morte. Rêvait-il ? Tournant la tête, il fixa un regard vague sur la porte. Le couloir était inondé de soleil, et sur le seuil, auréolé de rayons d'or, Anna Estcourt se tenait debout. Que voulait-elle dire ? Elle ne se le rappela jamais. Elle avait eu peur, elle avait eu honte. Mais sa crainte et sa honte tombèrent de ses épaules comme un manteau quand elle le vit. « Mon pauvre Axel ! Mon pauvre Axel !» murmura-t-elle en un sanglot. Il voulut se lever pour courir à elle. En un instant, elle fut à ses côtés, et, palpitant, il se laissa tomber à ses pieds, étreignant ses genoux, pressant son visage dans les plis de sa robe, s'attachant à elle comme à son salut. « Anna, dites-moi que ce n'est pas seulement de la pitié » cria-t-il enfin d'une voix entrecoupée. Alors Anna, aveuglée par les larmes, se pencha et mit ses deux bras autour du cou du prisonnier, s'abandonnant ainsi entièrement à lui, elle et son avenir. Abaissant à jamais son pavillon d'indépendance, elle courba sa tête charmante vers le visage angoissé de son ami et posa ses lèvres pures sur les siennes. « Oh non !» murmura-t-elle, en lui rendant passionnément ses baisers. « Non, Axel, ce n'est pas de la pitié, c'est de l'amour. » Ses fiançailles dans la vieille geôle eurent une beauté grave et austère. Ce n'était ni le lieu ni le temps de déployer les petites coquetteries usuelles dans pareil cas. Tout ce qui n'était pas humble et pure vérité tomba de soi, naturellement, comme un ornement vain et inutile. Sans restriction ou déguisement, ils mêlèrent leurs âmes, sachant bien qu'ils étaient seuls, elle et lui, contre le monde entier. C'était là le sens profond de leur pacte, se serrer l'un contre l'autre, se soutenir l'un l'autre, être tout l'un pour l'autre, dans le terrible isolement qui peut-être les menaçait. Axel, à jamais banni de la société, s'il ne parvenait à réduire à néant l'accusation monstrueuse qui pesait sur lui, Anna résolut à tout abandonner pour le suivre. Elle avait enfin trouvé la vie meilleure, tant souhaitée. Ce programme qu'elle exposait devant Suzy, se consacrer au bonheur d'autrui et trouver dans ce dévouement sa propre félicité, cet idéal qu'elle avait si vainement poursuivi, il se trouvait soudain réalisé. Non par l'effet de sa volonté, mais par la force des choses. Celui qu'il pourrait rendre heureux au sein même de la misère, il était là, près d'elle, et elle-même, à cette heure, ne concevait pas de plus haute félicité que de vivre pour lui. Les deux amis, se préparant à affronter un combat dont l'issue serait peut-être fatale, s'entretinrent longuement avec la plus absolue confiance. Qu'ils étaient forts ensemble, que tout paraissait facile et simple s'ils étaient unis. Rien ne pouvait les blesser, rien les atteindre. Ils étaient en sûreté dans le cercle enchanté de leur amour. Tant qu'elle l'avait, tant qu'il l'avait, quelles autres possessions demandaient-ils ? Si on le condamne, pensait-elle, eh bien, ce seront 2 ou 3 ans d'attente et de séparation. Et puis, toute notre vie ensemble. N'est-ce pas assez ? N'est-ce pas presque trop de bonheur ? N'y a-t-il pas là de quoi nous donner courage et bon espoir ? Demanda-t-elle, les deux mains aux épaules d'Axel, son doux visage rayonnant de beauté et de joie. Il essaya de lui dire qu'il fallait qu'elle le quittât, qu'elle ne devait pas joindre sa destinée à celle qu'un injuste soupçon avait flétrie. Mais elle se contenta d'appuyer sa joue au bras de son ami, d'un geste tendre et confiant. Toutes ses folies, ses puérilités, ses doutes étaient évanouis à jamais. La vie lui apparut très simple et très droite, elle n'aurait qu'à s'attacher à lui jusqu'à la mort. Et la morale de cette histoire, ainsi que le digne Manske ne manqua jamais de le faire remarquer plus tard, en la racontant, c'est que la vibe est évidemment créée pour le mariage. Elle peut aspirer aussi haut qu'elle voudra, et les aspirations de la gracieuse dame furent toujours très hautes, mais il lui faut, après tout, un guide et un maître, elle est incapable de se soutenir seule. Telle la liane souple, il lui faut l'appui du chêne robuste pour s'élever. Cet appui, par bonheur, ne fit pas défaut à Miss Estcourt. Le malheureux Klutz, affolé de remords, avoua tout à son père qui exigea une confession publique. Sa carrière de pasteur se trouva jamais brisée par cette déplorable affaire, et il partit pour élever des moutons en Amérique, ce qui, sans doute, lui convenait beaucoup mieux que de vouloir évangéliser les âmes. Quant à Delvig, l'instigateur de son crime, il se retira et alla vivre en paix au loin, tranquille et honoré, avec la fortune rondelette qu'il avait su amasser à Kleinwald. Et ceci dépassait l'entendement du pauvre pasteur. « Les décrets de la Providence sont insondables, » répétait-il en soupirant. « À qui le dis-tu ? » répliquait amèrement sa femme. Car, malgré la protection de sa gracieuse dame et de son noble époux et l'amitié dont ils honoraient le couple pastoral, ceux-ci se trouvaient, après des années de travail, de devoirs et d'abnégation, toujours dans la même condition étroite et médiocre, pendant que des intrigantes comme la baronne et ses pareils vivaient grassement sans rien faire aux dépens de leurs bienfaiteurs. Ainsi s'achève La bienfaitrice par Elisabeth von Arnim.